sais qu'on peut pas plaire à tous. Heureusement, il y en a à qui j'ai pas envie de plaire du tout. J'ai envie de marcher avec ceux que j'estime depuis le temps. Je sais qui ils sont et qui je suis. À l'intérieur d'eux, je me sens libre comme ça. C'est ça mon équilibre. Maintenant ils peuvent parler, tu sais. J'ai fait pleurer mes parents, comme tu pourrais te l'imaginer. Trop peur de le dire en face, y'a avec dans mes morceaux que je disais que je les aimais. De ma vie je m'approche du 22ème round. J'essaie de l'apprécier au maximum tant que mon cœur fait boum boum. Des fois c'est chaud, je te le jure des fois c'est trop. Dans mon cerveau tout shampoo, les as mélangent comme l'alcool et le bédo. Pas la peine de te préciser que je suis loin d'être parfait. Et pendant que je grandissais, y'a avec dans les conneries que je resplendissais. Je rappe la vérité, mais pour le succès ce n'est pas la méthode. Mais laisse-moi être dépassé, c'est dire de la merde, c'est être à la mode. Qu'est-ce que je vais dire à mes gosses que papa joue au gangster. Je préfère leur dire qu'il a usé d'un micro et de son cœur. Je me souviens du jour où on a posé notre pied à terre à Orgemont. On débarquait d'une cité, d'un appartement, un pavillon. C'était la joie, je m'en souviens de ce jour-là. Mais derrière ce cadeau se cachaient des tonnes de tristesse et de fracas. Arrivé ici, la maison était en ruine. Obligé d'emménager l'hiver dans un bungalow de fortune. Pas de chauffage, fallait marcher dans le froid pour prendre une douche. Ma mère étant enceinte, ça se solda par une fausse couche. Ouais, peu de gens le savaient. Préférer m'envier. Maintenant, j'ai forgé ma mentalité. Ils peuvent parler, d'abord je les emmerde tous. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, c'est vers la même période que ma grand-mère nous laissa seuls. Au monde j'en voulais. Me doutez pas qu'à 7 ans j'avais tant d'amour à revendre. Pour aider mes parents tous les jours je leur en donnais. Par la suite j'ai côtoyé la connerie des mecs de test qui pensent qu'avouer leurs sentiments est considéré comme une faiblesse. J'ai appris à compter mes amis sur toi d'une main. Et toi-même tu sais que dans une ville des mains on en sert plein. En lutte perpétuelle avec moi-même, j'ai fait de mon rap un rituel. Mais ça m'aide pas à résoudre tous mes problèmes. J'ai pas l'impression de faire du bien. Voilà ce qui m'est mal, pourtant j'y mets du mien. En lutte perpétuelle avec moi-même, je fais de mon rap un rituel. Mais ça m'aide pas à résoudre tous mes problèmes. J'ai pas l'impression de faire du bien. Voilà ce qui m'est mal, pourtant j'y mets du mien. Je sais qu'il est encore trop tôt, mais je me lève, me lave. 2 heures plus tard, j'aurai un joint entre les lèvres. Je sors de chez moi, mec, direction le hall. De là-bas, je regarde les plus petits qui vont à l'école. Et dire qu'à l'époque, j'étais comme eux, balle de foot dans le sac. Aujourd'hui, je prends le micro pour envahir les bacs. Tu sais, on est né insouciant, tu grandis dans l'inconscience. Arrête de croire que tu meurs omniscient. À ma connaissance, personne à la science infuse. Garde la tête haute quand tu passes devant leur juge. Je n'ai qu'un homme, avec un peu plus de pouvoir qui t'enferme. C'est orageux à chaque fois que tu quittes le parc. J'aurai le sourire, le jour où mes frères arrêteront de pleurer. Le jour où la France aura le soleil et les plages d'Alger. On fume des joints comme on enchaîne des rimes imagées. C'est danger de voir Le Pen passer au deuxième tour. Y'a de plus en plus de monde qui nous souhaite un aller sans retour. On reste posé là, on squatte au pied des tours. On siffle et on glisse, histoire de se faire un peu plus chaque jour. Perpétuel avec moi-même, j'ai fait de mon rap un rituel. Mais ça m'aide pas à résoudre tous mes problèmes. J'ai pas l'impression de faire du bien. Voilà ce qui m'est mal, pourtant j'y mets du mien. En lutte perpétuelle avec moi-même, j'ai fait de mon rap un rituel. Mais ça m'aide pas à résoudre tous mes problèmes. J'ai pas l'impression de faire du bien. Voilà ce qui m'est mal, pourtant j'y mets du mien. Sur les murs, trop d'empreintes, phalanges calquées de pensées dans ce monde. Moins t'as de conscience et plus t'es blindé. Dans ce monde, on en ressent trop la réalité. Alors nos rêves l'assument et on se voit la tête avec des sommes. Encaisser aussi vite qu'on dépense et dépenser aussi vite qu'on encaisse. Le pouvoir use de ceux qui ne l'ont pas. Y'a trop d'écaisses qu'on est tous concernés. Chaque jour on peut Dieu constater. Mes yeux se plaignent, mon cœur saigne. Mais le cerveau dédaigne à trop rester dans l'ombre. Même éclairé, je ne le saurais dans ce monde. T'auras toujours la rancœur de ceux qui t'envient. Fort d'esprit, vu que je veux pas être une cible pour l'ange maudit. J'éclaircis la pénombre. Si les démons lui font l'ombre, les anges oublient leurs ailes. Mon vieux, plus je m'entête à comprendre ce monde et plus je m'éloigne de Dieu. S'adapter à la France, en vivant nos vies, vieille et d'une chance. En lutte perpétuelle avec moi-même, j'ai fait de mon rap un rituel. Mais ça m'aide pas à résoudre tous mes problèmes. J'ai pas l'impression de faire du bien. Voilà ce qui m'est mal, pourtant j'y mets du mien. En lutte perpétuelle avec moi-même, j'ai fait de mon rap un rituel. Mais ça m'aide pas à résoudre tous mes problèmes. J'ai pas l'impression de faire du bien. Voilà ce qui m'est mal. Pourtant j'y mets du mien. En lutte perpétuelle avec moi-même, j'ai fait de mon rap un rituel. Mais ça m'aide pas à résoudre tous mes problèmes. J'ai pas l'impression de faire du bien. Voilà ce qui m'est mal. Pourtant j'y mets du mien. En lutte perpétuelle avec moi-même, j'ai fait de mon rap un rituel. Mais ça m'aide pas à résoudre tous mes problèmes. J'ai pas l'impression de faire du bien. Voilà ce qui m'est mal. Pourtant j'y mets du mien.